السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous retrouvons ce soir autour d'un récit recueilli par l'imam al-Darimi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce récit contient une histoire remplie d'enseignements dans laquelle nous retrouvons le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, ainsi que le noble compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma. Et nous allons nous pencher sur ce récit-là en nous appuyant essentiellement sur un article rédigé par le noble cheikh, le défunt Yassine Al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cet article est intitulé « Ba'du fawaidi athari Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma'a ashabi al-hilaqi min al-khawarij ». Dans cet article-là, très instructif, malgré sa concision, le cheikh a commencé par citer justement ce récit. L'imam al-Darimi a dit dans le Sunan, Al-Hakam ibn al-Mubarak nous a informé en disant, Amr ibn Yahya nous a informé en disant, j'ai entendu mon père transmettre de son père l'histoire suivante. Nous nous asseyons auprès de la porte de Abdullah ibn Mas'ud avant la prière du matin. Et lorsqu'il sortait, nous marchions en sa compagnie jusqu'à la mosquée. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari est venu à nous et a dit « Abu Abdurrahman n'est toujours pas sorti à votre rencontre ?» Il visait par Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud. « Non, lui avons-nous répondu. » Il s'est alors assis avec nous jusqu'à ce que Ibn Mas'ud sorte. Nous nous sommes alors tous levés pour se diriger vers lui. Abu Musa lui dit alors, « Oh Abu Abdurrahman, j'ai vu dans la mosquée une chose que j'ai réprouvée. Pourtant, l'ensemble des louanges revenant à Allah, je n'y ai vu que du bien. Et qu'as-tu vu ?» lui dit Ibn Mas'ud. « Si tu vis assez longtemps, tu verras, » lui répondit Abu Musa. « J'ai vu dans la mosquée des gens former des cercles en étant assis et en attendant la prière. » Dans chacun de ces cercles, il y avait un homme, et chacun de ceux qui prenaient part à ces assises, c'est-à-dire dans chacun de ces cercles, à la tête de chacun de ces cercles, il y avait un homme qui le dirigeait. Et chacun de ceux qui prenaient part à ces assises tenait dans ses mains des cailloux. L'homme qui dirigeait chaque assise leur ordonnait de dire 100 fois « Allahu Akbar ». C'est alors qu'il le répétait 100 fois. Puis il leur ordonnait de dire 100 fois « La ilaha illallah ». C'est alors qu'il le répétait 100 fois. Puis il leur ordonnait de dire 100 fois « Subhanallah ». C'est alors qu'il le répétait 100 fois. « Que leur as-tu dit ?» demanda Ibn Mas'ud. « Je ne leur ai rien dit, » répondit Abu Musa. « J'attendais ton avis et de savoir ce que tu allais ordonner. » « Pourquoi ne leur as-tu pas ordonné de comptabiliser plutôt leurs mauvaises actions en leur garantissant que rien ne se perdrait de leurs bonnes ?» rétorqua Ibn Mas'ud. Puis il continua son chemin et nous continuâmes avec lui jusqu'à arriver au niveau d'une de ses assises. Il se tint alors debout devant elle et dit à ceux qui y avaient pris part, « Qu'est-ce que je vous vois faire ?»« Abu Abdurrahman !» répondirent-ils, « Ce sont des cailloux avec lesquels nous comptons le nombre de fois que nous disons « Allahu Akbar »,« La ilaha illallah » et « Subhanallah ». Comptabilisez plutôt vos mauvaises actions, leur rétorqua alors Ibn Mas'ud. Quant à moi, je vous garantis que rien ne se perdra de vos bonnes. Malheur à vous, ô membres de la communauté de Mohammed, combien est prompte votre perte. Voici les compagnons de votre prophète qui sont encore présents, et ses habits qui ne sont toujours pas usés, de même que ses récipients qui ne sont toujours pas cassés, par celui entre les mains de qui est mon âme. Vous êtes soit sur une voie plus droite que celle de Mohammed, soit vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'égarement. Par Allah, ô Abu Abdurrahman, répondirent-ils, nous n'avons voulu que le bien. Et combien veulent le bien puis ne l'atteignent pas? Répliqua alors Ibn Mas'ud. Le messager d'Allah nous a informé du fait que des gens réciteraient le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur clavicule. Par Allah, je ne sais pas. Il est possible que la majorité d'entre eux soit parmi vous. Sur ces mots, Ibn Mas'ud leur tourna le dos et s'en alla. Amr ibn Salama a dit, j'ai pu voir la majeure partie de ceux qui avaient pris part à ces assises-là nous combattre le jour d'An-Nahrawan en compagnie des Khawarij. Et ce récit est, comme nous l'avons dit, recueilli par Darimi dans ses Sunan sous le numéro 210. Le Cheikh Yassine Al-Adani de dire que Amr ibn Yahya est le fils de Amr ibn Salama Al-Hamadani, comme on peut le trouver dans la version recueillie par Al-Khatib dans Tariq Baghdad, au volume 12, à la page 162. Et il a fait référence, c'est-à-dire Amr ibn Salama, à la bataille de Nahrawan, qui opposa les troupes de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, l'émir des croyants, au Khawarij, et ce en l'an 37 de l'Hégire. Et ici, je voudrais, avant d'entrer dans la traduction de l'explication donnée par le Cheikh Yassine Al-Adani, aborder avec vous quelques commentaires apportés par le noble Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani, et ce dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, dans le volume 5, sous le hadith numéro 2005. Le Cheikh al-Albani a justement mené une étude analytique de la chaîne, des différentes chaînes de transmission de ce récit. Après quoi il a dit, et si j'ai accordé cette importance à cette étude de ce récit d'Ibn Mas'ud avec ces gens qui avaient pris part à ces cercles de rappel, c'est du fait que ce récit contient une grande leçon pour les partisans des différentes confréries et ceux qui prennent part au cercle de rappel qui sont en opposition avec la Sunna. En effet, lorsqu'on en vient à condamner ces gens-là du fait de ce qu'ils peuvent perpétrer comme œuvre blâmable, ils en viennent à porter l'accusation que nous blâmons le fait d'évoquer Allah à la base. Or, le fait de blâmer cela et de réprouver le fait d'évoquer Allah est une forme de mécréance dans laquelle aucun musulman ne tombe dans ce bas monde. Par contre, ce qui est blâmable, c'est ce qui vient être collé à l'évocation d'Allah comme manière de procéder et comme assemblée qui, pour leur part, n'était pas établie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, qu'est-ce qu'a bien pu condamner ici Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsqu'il s'adressa à ces gens qui avaient pris part à ces cercles de rappel? Ce qu'il a condamné, c'est justement le fait qu'ils se soient réunis de la sorte durant un jour bien précis et qu'ils aient évoqué Allah un nombre de fois qui n'est pas spécifié dans les textes. cette quantité déterminée par le cheikh qui menait chacun de ces cercles-là et qui ordonnait à ceux qui avaient pris part avec lui à ce cercle de rappel une chose de lui-même, comme s'il se plaçait en tant que législateur transmettant d'Allah. Dans la sourate Shura, verset numéro 21, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, abramant les polythéistes, « Am lahum shuraka ou shara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah » Ou bien aurait-il des associés qui légifèrent pour eux en matière de religion ce qu'Allah n'a pas autorisé? Ajoute à cela le fait que ce qui est établi dans la sunna rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien au niveau de ses actes que de ses paroles, c'est le fait de compter le nombre de fois que l'on évoque Allah avec les phalanges, comme on peut d'ailleurs le trouver de manière explicite dans Ar-Radd 'ala al-Habashi, ainsi que dans d'autres références. Ici, donc, le Cheikh Al-Albani a fait référence à une réplique qu'il a écrite à l'encontre de Abdullah Al-Habashi. Le Cheikh Mohammed Nasir Din Al-Albani de continuer en disant que parmi les enseignements que l'on peut tirer de ce hadith et de cette histoire, c'est que ce qui compte, ce n'est pas le grand nombre d'adorations, mais plutôt le fait qu'elles soient accomplies en conformité avec la sunna et qu'elles se tiennent loin de l'hérésie al-bid'a. Et c'est d'ailleurs à cela qu'a fait référence Ibn Mas'ud en disant, dans une autre parole, « Iqtisadun fi sunna khayrun min ijtihadin fi bid'a » S'économiser à appliquer la sunna est meilleur que s'évertuer à accomplir des hérésies. Parmi les enseignements à tirer également, comme nous allons le voir plus en détail à travers les brèves explications du Cheikh Yassin Al-Adani, le fait que la petite hérésie est une cause menant à la grande hérésie. Ne vois-tu pas que ceux qui avaient pris part à ces cercles de rappel sont devenus par la suite des khawarij qui ont été combattus par le calife bien guidé Ali ibn Abi Talib? Y a-t-il donc quelqu'un pour retenir ces leçons? Fin de tentative de traduction de ces propos très instructifs du grand érudit, le Cheikh Mohammed Nasir al-Din Al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc nous revenons ici au propos du Cheikh Yassin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a justement fait mention du jugement porté par le Cheikh Al-Albani sur la chaîne de transmission par laquelle est rapporté ce récit. En effet, le Cheikh Al-Albani a dit que sa chaîne de transmission est authentique. Et on peut revenir justement à Silsilat al-Ahadith, al-Sahiha, le hadith numéro 2005, qui dans mon édition est référencé dans le volume 5, à la page 11. Ce récit contient de nombreux enseignements. On en a cité quelques-uns, et nous allons donc continuer avec le premier enseignement à tirer, à savoir le fait que les ulama, les savants de l'islam, de la sunna, s'empressent de condamner les hérésies, al-bid'ah. Et on retrouve justement cela dans la position d'Ibn Mas'ud et de Abu Moussa, radiyallahu anhuma, face à ceux qui avaient pris part à ces cercles de rappel. Et c'est de cette manière-là qu'il convient que les ulama agissent, étant donné qu'ils sont les plus connaisseurs en matière d'hérésie. comme le disait d'ailleurs Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans Madarij al-Salikin, volume 1, page 224, il a dit, seuls les plus clairvoyants se rendent réellement compte des méfaits des hérésies. Al-Bida'. Les hérésies, donc, c'est en arabe al-Bida', c'est l'innovation en religion. Le fait d'innover en religion, d'apporter une chose qui n'en fait pas partie, qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seuls les plus clairvoyants se rendent réellement compte des méfaits des hérésies. Quant aux aveugles, ils sont égarés dans les ténèbres de l'aveuglement. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Ceux à qui Allah n'aura pas octroyé de lumière ne bénéficieront donc d'aucune lumière. Second enseignement, le fait que fait partie des choses à mettre en application lors des périodes de trouble, de revenir vers les plus grands ulama. Et nous avons d'ailleurs déjà abordé cela ensemble. Vous vous en souvenez certainement, lorsque nous avons tenté de traduire la conférence téléphonique du noble cheikh Mohammed Ibn Hadi Al-Matrani, intitulée « Al-Barakatu Ma'a Akabirikum ». La bénédiction est avec vos aînés. Je vous renvoie donc vers cette conférence. Donc on retrouve également cet enseignement dans ce récit. En effet, lorsque Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit à Abu Moussa radiallahu anhu, que leur as-tu dit? Abu Moussa répondit, je ne leur ai rien dit, j'attendais ton avis et de savoir ce que tu allais ordonner. Rappelons ici que Abu Moussa est un éminent compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui compte parmi les savants illustres, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est revenu vers Abdullah ibn Mas'ud. Et il lui a dit, je ne leur ai rien dit, j'attendais ton avis et de savoir ce que tu allais ordonner. Et c'est ce qui était en vigueur chez nos pieux prédécesseurs, as-salafu salih, les plus anciens parmi eux, recommandant cela à ceux qui leur succédaient. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, comme cela est notamment recueilli par Abdullah ibn Mubarak dans Az-Zuhd, sous le numéro 815, et At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir, sous le numéro 8592, et par Al-Khatib dans Talkhis Al-Mutashabih, volume 2, page 696. Ibn Mas'ud a dit, les gens ne cesseront d'être bien tant que le savoir leur parviendra des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la part de leurs aînés. Par contre, à partir du moment où il leur parviendra de la part de leurs petits, ils périront. Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba a été questionné à propos de cette parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il a dit, il visait par là, dire Ibn Mas'ud, que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant que leurs ulama seront les cheikhs et non les nouveaux venus. En effet, les penchants, l'arrogance, la précipitation et la bêtise inhérents à la jeunesse sont absents du cheikh. De plus, du fait de son expérience, le savoir de ce dernier n'est pas entaché d'ambiguïté, de même que les penchants de l'âme ne prennent pas le dessus sur lui. L'opportunisme ne le fait pas dévier, de même que Satan ne réussit pas à l'induire en erreur comme il le fait avec les plus jeunes. Ajoutons que l'âge est accompagné de la prestance, du charisme et de l'aura. Quant au plus jeune, il peut être atteint par ces choses dont le cheikh est à l'abri. Or, lorsqu'elle commence à toucher le plus jeune et qu'il se met à délivrer des fatwas, il périt et cause la perte des autres. Et cette parole de Ibn Qutayba a notamment été recueillie par Al-Khatib dans Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, le volume 2, la page 156. L'imam Al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit dans Sharh Sunnah, page 38, et c'est là donc une recommandation très importante de la part de cet imam, l'imam Al-Barbahari, qui a dit, analyse bien, qu'Allah te fasse miséricorde, ce que dit toute personne de qui tu es amené à entendre le discours, surtout si elle fait partie de tes contemporains. Ne t'empresse donc pas et n'adhère à rien de ce qu'il dit avant d'avoir questionné et su si un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un des ulama l'a soutenu. Si tu en trouves une trace rapportée d'eux, cramponne-y toi et n'en déroge sous aucun prétexte et n'opte pour rien d'autre, auquel cas tu tomberais en enfer. Et en réalité, les paroles allant dans ce sens sont très nombreuses. Troisième enseignement, et nous y avons fait brièvement allusion précédemment, en lisant les propos du Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cet enseignement, c'est le fait que les petites hérésies mènent à de grandes hérésies et deviennent de grandes hérésies. Et on retient cela dans ce récit du fait que ceux qui avaient pris part à ces cercles de rappel sont par la suite devenus des khawarij qui ont été combattus par Ali ibn Abi Talib, le jour de Nahrawan. Et cela prouve de la manière la plus claire qu'il soit que la petite hérésie est une cause menant à la grande hérésie. Et on retrouve d'ailleurs cela dans certaines paroles rapportées du cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qui disait, comme on le trouve dans Majmou' al-Fatawa d'Ibn Qasim, le volume 8, la page 425, à leur début, les hérésies ne mesurent qu'un empan. Puis elles abondent chez leurs partisans jusqu'à devenir des coudées, des milles et des parasanges. Parasanges, je veux dire des farsakh. Ce sont donc des unités pour mesurer les distances. L'empan, puis la coudée, puis les milles et le parasage, ce qui équivaut à un peu moins de 6 km et à la distance parcourue en une heure de marche. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Madarij al-Salikin, volume 1, page 224, les hérésies évoluent de manière graduelle, les petites laissant place aux grandes jusqu'à ce que celui qui s'y adonne en vienne à quitter la religion. Et cela vient confirmer ce qui a été recueilli par Al-Bukhari dans son authentique sous le numéro 4920. Il a en effet recueilli dans son authentique qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit à propos de la parole d'Allah, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Il dit, c'est-à-dire les polythéistes auxquels Nuh alayhi salam a été confronté, Ils dirent, ne délaissez pas vos divinités, et ne délaissez pas Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Ibn Abbas a donc dit, il s'agit de noms d'hommes vertueux du peuple de Nuh. Lorsqu'ils disparurent, Satan inspira aux gens de leur peuple d'ériger des statues dans les endroits dans lesquels ils s'asseyaient et de leur donner leur nom. Ils le firent, sans que pour autant ces monuments soient adorés, et ce jusqu'à ce que cette génération meure et que le savoir soit oublié. C'est alors qu'ils furent adorés. Le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Najdi, a dit dans le kitab al-Tawhid, cela témoigne de ce qui a été rapporté de certains anciens, al-Salaf, qui disaient que l'hérésie est une cause menant à la mécréance. Et on peut revenir vers Fath al-Majid, du cheikh Abdelrahman ibn Hassan, à la page 203. Quatrième enseignement. Le fait que les hérésies ne constituent pas une manifestation pure de la vérité. De même qu'elles ne sont pas exclusivement composées de faux. Et on retrouve justement cela dans le fait que Abu Moussa, radiyallahu anhu, a dit au Abu Abdurrahman, donc en s'adressant à Ibn Mas'ud, j'ai vu dans la mosquée une chose que j'ai réprouvée, pourtant, l'ensemble des louanges revenant à Allah, je n'y ai vu que du bien. Cela prouve que les hérésies, al-bid'a, les innovations en religion, ressemblent en quelque sorte à la vérité. Pourquoi ? Prenons pour exemple justement ce récit. Le fait de dire subhanallah, pureté à Allah, le fait de dire la ilaha illallah, nul dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, le fait de dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand, quelque chose qui religieusement est établi et méritoire. Et c'est pour cela que Abu Moussa a dit, pourtant l'ensemble des louanges revenant à Allah, je n'y ai vu que du bien. Cependant, l'hérésie s'était introduite dans cet acte-là au niveau de la manière dont il était accompli. Et c'est pour cela qu'il a commencé en disant à Ibn Mas'ud, j'ai vu dans la mosquée une chose que j'ai réprouvée. L'imam al-Barbahari a dit dans Sharh al-Sunnah, toute hérésie introduite dans cette communauté est au début petite et ressemble à la vérité. C'est d'ailleurs de ce fait qu'elle induit en erreur ceux qui y adhèrent. Page 38 de Sharh al-Sunnah. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, a dit, comme on peut le retrouver dans son livre, Dar al-Ta'arub, volume 2, page 104, l'hérésie, al-bid'a, l'innovation en religion, ne constitue pas une manifestation pure de la vérité. Car si tel était le cas, elle ne relèverait pas du faux. De même qu'elle n'est pas exclusivement composée de faux. Car si il en était autrement, elle ne serait pas cachée aux gens. Elle contient donc plutôt à la fois du vrai et du faux. Nous en arrivons au cinquième enseignement. Les hérésies deviennent chez leurs partisans une religion suivie et une sunna à laquelle ils adhèrent, une voie qu'ils se mettent à suivre. C'est pour cela qu'il est fort à craindre que celui qui commence à y adhérer ne puisse plus par la suite en sortir. Regarde donc le fait et considère donc le fait que ces gens-là en sont arrivés à combattre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces gens qui avaient pris part donc à ces cercles de rappel innovés, en sont arrivés à combattre les compagnons du messager d'Allah radiyallahu anhum. Et cela nous montre d'une manière claire qu'ils cherchaient par là à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là le lot de ceux qui s'adonnent aux hérésies. Et nous demandons à Allah, l'exalté, de nous épargner. Ils en viennent à considérer les hérésies auxquelles ils s'adonnent comme une religion. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit vrai lorsqu'il a dit: dans quel état serez-vous lorsque des facteurs de trouble vous envahiront et que les anciens atteindront la vieillesse en y ayant été confrontés, alors que les plus jeunes grandiront en n'ayant connu rien d'autre, et que lorsque certains d'entre eux seront délaissés, c'est-à-dire certains de ces facteurs de trouble, on dira la sunna serait-elle mise de côté? Pourquoi Ibn Mas'ud a dit cela? Il a dit cela car il annonçait ici qu'un temps allait venir durant lequel l'hérésie serait considérée comme étant sunna. Et que donc, lorsque certaines personnes allaient en venir à mettre de côté ces hérésies, le commun des gens considérerait donc cela comme étant un délaissement de la sunna. Et d'ailleurs, c'est une chose que l'on retrouve à notre époque. Lorsque tu appelles les gens à la sunna et à suivre la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des plus prédécesseurs de cette communauté, tu entends un certain nombre de personnes ignorantes dire « Vous nous amenez une nouvelle religion. » Donc Ibn Mas'ud a dit vrai. Et il continua son propos après qu'on lui ait demandé « Quand est-ce que cela aura lieu ?» Et il répondit « Lorsque vos ulama partiront et que vos ignorants afflueront, lorsque les étudiants abandonneront et que les véritables connaisseurs de la religion diminueront, lorsque vos émirs seront nombreux, alors que les gens intègres parmi vous seront peu, lorsque ce sera ce bas monde qui sera recherché par le biais des œuvres réservées à l'au-delà, et lorsque l'on s'instruira pour une autre cause que celle de la religion. » Cette parole d'Ibn Mas'ud a notamment été recueillie par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, sous le numéro 37156, de même que par Darimi, sous les numéros 191 et 192, ainsi que par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, volume 4, page 560, avec une chaîne de transmission authentique. D'ailleurs, l'érudit Al-Albani a dit, sa transmission s'arrête, c'est-à-dire à Ibn Mas'ud, mais il a la valeur d'un récit remontant jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car son contenu relève de ce qui nous est caché, c'est-à-dire al-ghaib, et dont la connaissance ne peut être atteinte par le biais d'estimations et d'opinions personnelles, d'autant plus que tout ce qu'il a annoncé s'est produit. C'est certes d'Allah seul que l'on recherche l'aide. Et on peut revenir vers le livre du Cheikh al-Albani, qui a pour titre « Tahrimu alat al-tarb ». Et c'est sur cela donc que se termine cette tentative de traduction, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde au Cheikh al-Albani, au Cheikh Yassin al-Adani et à l'ensemble des ulama, Cheikh et étudiants de la Sunnah, et qu'il préserve ceux qui parmi eux sont encore en vie, qu'il allonge leur existence dans son obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.